au pair, c'est un jour de tout deux. Tennyson, à la naissance, des potions odieuses sont entrées dans son sang. Son visage lisse s'amincit aux urgences. Agneau que son berger a livré, sacrifié pour le pardon de ses excès. Dans son enfance, ma soeur délibère. Dans le ruisseau qui quitte la mer pour s'installer sur les berges. Les sombres de chaque été nous reflétaient. Ses pas de sa main sont un parc abandonné. Innocent, reconnaissant, prêt à suivre leur jeu. Je les virai de la salle. Le jour brillait sans présage inquiétant. Elle m'a salué gracieusement avant de reprendre sa marche. Mon père l'a mené à l'hôpital le matin. Quand il est arrivé, il a joué avec d'autres enfants. Ses yeux cherchaient un médecin, la couverte, avant de l'emmener faner dans sa chambre. Couvert d'une feuille d'orignaux et de gazelles, nous avons vu son visage encerclé par des serpents. Aiguille perçant ses bras, douloureuse, électrode perçant ses bronches. Les infirmières m'ont séparé de Christina quand nous avions besoin l'un de l'autre. J'étais son guide qui l'habillait le matin, elle ma complice. Me couvrait l'amour de moi cessait. Flétri comme un champ sans la pluie, dans le brouillard le plus épais. Depuis le bassin du Nil, le chagrin le plus ancien exhalait ses armes froid. Son corps sans effusion de sang, chlorine moins d'envoi. Naufragé sauvé de la haute mer. L'univers s'est tu, le soleil a brillé. Et elle confuse quitte à ses yeux rieurs. La lueur rose d'une aurore passe. Comme son visage sombre devant ma fenêtre. Comment sommes-nous allés alors à la Vierge Immaculée pour consolation? Des tisses rendus linceuls se sont débarrassés de mon annonce. Dans mon corps, chaque match était loin. C'était la dernière nuit des enfants. Prions pour leur avenir, nous évoquons les ténèbres. Le retour à la maison le 13 mars. Le vent pliait les arbres dans notre sillage. Comment ils m'ont parlé de repos, agréable à ceux qui souffrent. Mes poumons ont cédé la place à un être convulsé. Devant une foule qui gémissait des mots anciens. Ainsi nous avons subi l'impuissance de son absence. Et expectoris huissièrement trop. Les angoisses partaient, sa recherche, sa robe en dentelle. Ses bottes s'échappaient, la nuit est tombée sur elle. Et je suis impuissant, tout temps. 20 ans plus tard, le soleil se couche. Ils sont un doré brise sous le ciel. De nouveaux efforts prolongent encore plus d'efforts. Chaque nuit, il prend dans ses bras. La lune effervescente, tient du néant. Le firmament. Et Jeannette Christina revient avec son rire. Il pleut et je dessine ma fenêtre avec les papillons. Que le ciel nous adore tous incertains. Nous laisse un goût aigre tout d'espoir. Que mes peines se déversent en délicatesse. Pour les ruminants cassés de fiches nues. Personne ne périt jusqu'à ce que sa bien-aimée meure. Personne ne périt jusqu'à ce que sa bien-aimée meure.